Jean-Charles Tinguely est né le 22 mai 1925 à Fribourg, en Suisse. Il est fils unique. En 1941, Tinguely commence un apprentissage de décorateur au grand magasin Globus. Par manque de discipline, il est congédié, sans prévu, en août 1943. Il achève toutefois sa formation en 1944 auprès du décorateur indépendant Jos Hutter, qui l'incite à fréquenter assidûment l'école des arts appliqués de Bâle. C'est dans cette école que Tinguely étudie pour la première fois les œuvres d'art moderne. C'est là aussi à l'école des Beaux-Arts qu'il rencontre celle qui sera plus tard sa première femme, Eva Apelli. De 1944 à 1945, Tinguely réalise ses premières sculptures en fil métallique encore existantes aujourd'hui. Tinguely gagne sa vie en travaillant comme décorateur à son compte à Bâle et à Zurich et conçoit des vitrines de magasins qui font beaucoup parler d'elle. Ses décorations, souvent à partir de fil métallique, laissent déjà transparaître la griffe artistique et ultérieure de Tinguely. Fin 1952, le couple s'installe à Paris. Ici, Tinguely fait progresser son travail artistique à un rythme époustouflant en créant différents ensembles de sculptures et reliefs cinétiques. À partir de 1954, il intensifie ses réalisations d'automates, reliefs et sculptures mobiles en fil métallique. Et à l'été de cette même année, il a une première opportunité d'exposition personnelle à la Galerie d'Arnault à Paris. Ses œuvres cinétiques, avec leur mécanisme saccadé et leur fonctionnement tout sauf parfait, sont en constante transformation et, de ce fait, relèvent aussi du hasard. En 1955, Tinguely réalise trois machines pour produire de manière mécanique des dessins. Elles sont présentées lors de l'exposition Le Mouvement, une exposition proposant un état des lieux de l'art cinétique. Ses œuvres sont remarquées parce qu'elles ont la particularité d'être une œuvre qui produit elle-même des œuvres. Ces machines à dessiner sont réellement mises au point par Tinguely en 1959 et développées dans une série de près de 20 métamatiques jusqu'en 1960. Elles connaissent un franc succès dès la Biennale de Paris en 1959, apparaissant comme les premières pièces de Tinguely à alimenter le débat sur l'art contemporain. C'est à cette même exposition que Tinguely présente la métamatique numéro 17, une machine à dessiner mobile, actionnée par un moteur à essence. Non seulement la machine se mouvait librement dans l'espace extérieur tout en produisant des dessins, mais elle répandait aussi des senteurs de muguet essoufflées dans un gros ballon jusqu'à le faire exploser. L'artiste nous propose un dessin en devenir. Le spectateur complète l'œuvre. Alors qu'il n'était que passif face à l'art, il devient acteur de la création, actionnant un système de balancement, un bouton, un bras articulé ou encore en pédalant. L'utilisateur fixe à l'extrémité de la tige un morceau de craie, un crayon, un stylo à billes ou encore un feutre qui couvre de traits et de griffonnage le papier posé sur le support prévu à cet effet. Quelques instants plus tard, apparaît un dessin dont les motifs se répètent à l'infini. Par ses machines à dessiner, Tinguely veut prouver qu'une œuvre d'art, loin d'être une création définie, achevée, peut engendrer sa propre vie et produire elle-même de l'art. De ce fait, les dessins varient selon la manipulation. Il n'y a pas de dessin identique, d'où l'importance de la pression du traceur sur le papier, de la fluidité de l'agent colorant ou de la qualité du papier. La machine, le constructeur et l'utilisateur participent à part égale à l'œuvre, à la fois sculpture, appelling et dessin. Ici, Tinguely établit ironiquement un lien entre la machine et l'homme. Il interroge le statut de l'art dont la réalisation devient un tributaire d'un mécanisme. L'artiste perdrait-il son pouvoir ? L'œuvre perdrait-elle son statut d'œuvre d'art ?